إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on va faire le sujet qui est ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر, les fruits de la foi en القضاء والقدر. D'accord, donc ça veut dire qu'est-ce que ça amène, le fait de dire qu'on croit en Al-Qadha ou Al-Qadar, qu'est-ce que ça fait dans, en nous-mêmes, qu'est-ce que ça change dans nos vies, quel impact ça peut avoir du, le fait de croire en ça. Donc le cheikh il a rapporté six fruits ou six conséquences d'avoir la foi en ce principe-là, qui est le sixième pilier de la foi, qui est le dernier parmi les six piliers de la foi. Et donc c'est avec ça qu'on va conclure le sujet de notre livre. Qui est l'Iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liyawmi al-akhir wa al-qada'i wa al-qada'i wa al-qadari khayrihi wa sharrihi. Donc le premier point, le cheikh dit inna min a'zami thamarati al-iman bil-qada'i wal-qadar sihhatu iman al-shakhs bitakamul arkani li'anna al-iman bidhalika min arkani al-iman sittah allati la yatahaqqaqu illa biha. Donc le cheikh il dit que parmi les bienfaits ou parmi les fruits les plus grands de la foi en Al-Qadha ou Al-Qadha, il y a du fait que notre foi va devenir correcte, acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et on a complété les piliers de notre foi en Al-Qadha, en Allah et en l'Islam, et on a complété notre foi en complétant le sixième pilier, c'est-à-dire Al-Qadha ou Al-Qadar. Si quelqu'un n'a pas cru en Al-Qadha ou Al-Qadar, eh bien, c'est comme s'il a rejeté la foi en entier. Sa foi n'est pas complète. Il n'est pas un musulman, tant qu'il ne l'a pas accepté. Comme c'est prouvé par le Coran et la Sunna. Et ça, on en a parlé depuis le tout début, et on en a reparlé dans les derniers cours. Et là, donc, ça c'est un des premiers des points les plus importants, c'est que ça complète notre foi. Deuxièmement, parmi les fruits de la foi en Al-Qadha ou Al-Qadar, il y a que ça amène la paix du cœur. Le cheikh dit wa min thamarat al-iman bil-qada' wal-qadar tama'ninat al-qalb wa irtiyahuhu wa 'adam al-qalaq fi hadhihi al-hayat 'indama yata'arrad al-insan li mashaq al-hayat. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc il dit parmi les fruits de l'iman bil qada'i wal qadar, il y a que ça amène la paix dans le cœur et le repos du cœur. Et on ne devient pas stressé dans notre vie à cause de la foi en ce principe-là, lorsque l'être humain fait face à toutes sortes de difficultés dans cette vie. Le cheikh il dit لأن العبد إذا علم أن ما يصيبه فهو مقدر له لا بد منه ولا راد له واستشعر قول الرسول صلى الله عليه وسلم واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. Donc le cheikh il dit que le serviteur il sait que tout ce qu'il a fait c'est prédestiné pour lui et ça n'a pas le choix d'arriver. C'est il ne peut pas le rejeter ou le repousser ou l'empêcher de se produire. Hein? Lorsque quelque chose est prédestiné, ça doit t'atteindre. Et lorsque tu réfléchis sur le sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit « et sache que ce qui doit t'atteindre ne peut pas te rater, et ce qui te rate ne pouvait pas t'atteindre ». Hein? Donc ça c'est le hadith d'Ibn Abbas. Je ne sais pas si vous le connaissez ce hadith. Vous connaissez le hadith d'Ibn Abbas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis sur un âne avec Ibn Abbas, et il a dit « Ya Ghulam, inni wa'allimuka kalimat » Il a dit « Oh jeune, c'est un jeune, Ibn Abbas il était un petit garçon, je vais t'apprendre quelques bonnes paroles. « احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده دجاهك تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده فدي او garde Allah subhanahu wa ta'ala, il va te préserver, il va te protéger. Et préserve Allah, c'est-à-dire garde Allah subhanahu wa ta'ala, rappelle-toi d'Allah, wa alaykum salam wa rahmatullah, rappelle-toi d'Allah, tu le trouveras dans ta direction, tu le trouveras dans ton chemin. Et rappelle-toi d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la difficulté, dans la facilité. Lorsque tout va bien, rappelle-toi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ça, lorsque tu seras dans des difficultés, il se souviendra de toi. Et il a dit, وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعْتَ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَنْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. Si, sache que si tous les gens se réunissent pour te faire quelque chose, de mal, de bien, ne peuvent pas te faire accepter qu'est-ce que Allah a écrit pour toi. وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعْتَ عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّكَ بِشَيْءٍ لَنْ يَضُرُّكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. Donc, et puis il a dit, parmi ces hadiths-là, c'est là qu'il a dit, وَعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ. Ce qui t'est arrivé, ça ne peut pas te manquer. Et ce qui t'a manqué, ça ne peut pas t'arriver. Donc tout est prédestiné. Hein? Même si, c'est comme par exemple tu dis à quelqu'un, quelqu'un dit ben, c'est par exemple c'est l'heure, on a dit ça, des fois je me souviens j'ai dit ça à quelqu'un, c'est l'heure de la prière. Je lui ai dit, ah mon frère, oh mon frère, viens à la mosquée, ferme le magasin, viens à la mosquée. Et il disait, oui mais peut-être que pendant que je vais à la mosquée, je vais manquer des commandes, je vais manquer des appels. Et là j'ai dit à Akhi, tout ce que tu dois avoir dans cette dunya de risque, c'est écrit. Qu'est-ce que tu dois avoir, tu ne peux pas le manquer. Qu'est-ce que tu manques, ça ne pourrait pas t'arriver. Hein? Donc tu fais ce que tu as à faire pour Allah subhanahu wa ta'ala, de tes devoirs et de tes obligations, et Allah subhanahu wa ta'ala va se charger du reste. Et tu mets ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est très important de toujours réfléchir à ça, à ce principe-là. Et après le chef dit fa innahu 'inda dhalika taskunu nafsuhu wa yatma'innu balu. Yatma'innu balu, c'est-à-dire lorsque tu penses comme ça, tu vas être en paix, tu vas être calme en toi-même, et ton esprit va être en paix aussi. Après le cheikh dit بخلاف من لا يؤمن بالقضاء والقدر فإنه تأخذه الهموم والأحزان ويزعجه القلق حتى يتبرم أو يتبرم بالحياء ويحاول الخلاص منها ولو بالانتحار كما هو مشاهد من كثرة الذين ينتحرون فرارا من واقعهم وتشاؤما من مستقبلهم لأنهم لا يؤمنون بالقضاء والقدر فكان تصرفهم كذلك نتيجة حتمية لسوء اعتقادهم. Et ça c'est la réalité, qu'est-ce que le chef il explique ici. Il dit, contrairement à la personne qui ne croit pas en al-qada ou al-qadar, elle devient triste et elle devient dépressive et elle commence à être prise de toutes sortes de comme des douleurs intérieures, des problèmes intérieurs, des conflits intérieurs, hein, il commence à être déprimé de la vie, hein, il commence même à penser à se faire, à s'enlever la vie, jusqu'à même aller à se suicider. Comme c'est le cas, on voit ici dans la société, de plus en plus de gens se suicident, parce qu'ils ne croient pas en Al-Qadha ou Al-Qadar. Et donc, ils se suicident dans le but de s'enfuir de la réalité de leur vie, qui est pour eux trop malheureuse, et ils sont pessimistes au sujet de l'avenir. Alors, étant donné qu'ils ne croient pas en Al-Qadha ou Al-Qadar, eh bien, ça les amène à se suicider. Et surtout ici au Québec, c'est un des pays où il y a le plus grand taux de suicide chez les jeunes de 18 à 25 ans dans le monde entier. Et la raison de ça, c'est justement parce qu'ils n'ont pas de iman en Al-Qadha ou Al-Qadar. Hein? Un homme, sa copine l'a quitté, ou bien une femme, son mari l'a laissé, ou une autre raison de ce genre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se suicide. Pourquoi? Parce que pour elle, la vie ne peut pas se vivre sans une personne en particulier. Alors il se suicide. Ou pour d'autres raisons, Yanni. Mais toutes ces raisons-là ne sont pas valables. Et s'ils savaient le châtiment qui les attend, pour celui qui se suicide, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui se suicide, il va continuer dans l'enfer à se suicider de la même façon, ou à se tuer de la même façon qu'il s'est suicidé éternellement, comme ça dans l'enfer. Donc celui qui s'est jeté en bas d'un ravin, il va continuer à se jeter dans l'enfer en bas d'un ravin. Celui qui s'est tué avec une arme, un couteau, qui s'est coupé par exemple les veines, ou peu importe quelle, de la façon qu'il s'est tué ou qu'il s'est pendu, eh bien, il va continuer à se tuer continuellement de cette façon dans l'enfer. والعياذ بالله. دونك الشيخ يقول وقد قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. دونك الشيخ يقول الله سبحانه وتعالى كيف غير ne vous atteint sur la terre, de même que dans vous-même, excepté que ce soit dans un livre, avant même que nous l'ayons créé. Et ça, c'est une chose qui est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est pourquoi? C'est pour que vous ne perdiez pas l'espoir de ce que vous avez manqué, et que vous ne vous prenez pas trop de, commencez pas trop à vous réjouir de ce que Dieu vous a donné. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas les gens qui sont fiers et orgueilleux. Hein? Ils sont de cette catégorie-là. Et le chef, il dit par la suite, فأخبر الله سبحانه أنه قدر ما يجري من المصائب في الأرض وفي الأنفس فهو مقدر مكتوب لا بد من وقوعه مهما حاولنا دفعه. Donc le chef, il dit que le verset nous enseigne que tout ce qui nous arrive dans notre vie, ça a été prédestiné, que ce soit tous les malheurs qui arrivent dans notre vie et qui nous touchent à nous-mêmes ou qui touchent à la terre ou des choses de ce genre, tout ça, ça a été prédestiné et ça a été écrit par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça doit arriver, on ne peut pas s'en sortir, on ne peut pas s'en sauver ou s'en échapper. Même si on essaie de le repousser, ça ne peut pas être repoussé d'aucune façon. D'accord ? Ça fait réfléchir aussi, parce que des fois il y a beaucoup de gens qui croient pas en Allah, qui croient pas en Al-Qadha ou Al-Qadar, et si par exemple ils sont coupables d'un accident, ils sont victimes, pas victimes, mais comment je pourrais dire, si par exemple ils sont dans un accident, et ils sont impliqués dans un accident et que c'était de leur faute, ils n'ont pas fait exprès, mais l'accident est arrivé, et ils étaient une des causes dans l'accident par exemple, eh bien, ils vont s'en vouloir pour ça, peut-être pour le restant de leur vie, et ils vont avoir des remords, ils vont se sentir coupables de ça. D'accord? Et je me rappelle d'une histoire qu'une personne, par exemple, une personne attendait sa mère ou son père pour un événement important dans sa vie. Et puis, donc l'événement s'est produit, par exemple la remise d'un certificat ou d'un diplôme, une cérémonie importante. Donc la personne attendait que son père ou sa mère soit présente pour assister à la remise des certificats ou des diplômes. Et puis, ils ne sont pas venus. Donc, qu'est-ce que la personne ressentait? De la colère, parce que ses parents étaient absents. Mais qu'est-ce qui est arrivé par la suite? C'est qu'on l'a contacté, cette personne, on lui a fait savoir que ses parents étaient morts dans un accident de voiture en route. Alors, la personne a été traumatisée et s'est sentie coupable de la mort de ses parents parce que ils sont morts alors qu'ils étaient en route pour voir cette personne, et la personne avait de la colère pour ses parents alors que, en réalité, ils savaient pas que ses parents étaient morts. Mais la personne n'avait pas raison d'avoir des remords ou de se sentir coupable de ce qui est arrivé à ses parents, puisque c'était prédestiné que ça devait se passer. Donc, pour un musulman, alhamdoulilah, c'est pas compliqué. On l'accepte parce qu'on sait, ça c'est qadar. Hein, t'es dans une voiture, tu fais un accident, ta femme meurt, ton enfant meurt, tu te retrouves toute seule, tu te dis mais le kafir, ça lui arrive, c'est fini, il a plus de raison de vivre, peut-être même il va penser à se suicider, tandis que le mu'min dit non, ça c'est qadar, et il continue son chemin, il continue sa vie. Hein. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, c'est ça l'importance de l'iman du qadar ou al-qadar. Donc, le cheikh dit par la suite: ثم بين أن الحكمة من إخباره لنا بذلك لأجل أن نطمئن فلا نجزع ولا نأسف عند المصائب ولا نفرح عند حصول النعم فرحا ينسينا العواقب. Donc, le cheikh dit que la sagesse, yani pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé de ça dans le Coran, pourquoi il nous a informé que tout ça c'est écrit dans un livre et que c'était prédestiné, la sagesse de ça c'était pour qu'on soit en paix, pour qu'on se sente en paix dans notre cœur, et qu'on ne se décourage pas et qu'on ne perde pas l'espoir lorsque un malheur nous atteint, et pour pas qu'on se remplisse de trop de joie hein, quand un bien nous arrive, et qu'on oublie les conséquences à la fin. Parce que des fois, quelque chose de bien peut arriver, et là tu te réjouis à un point que tu oublies que quelque chose par la suite pourrait arriver, ou une autre conséquence, ou que les choses pourraient changer, et là tu te réjouis trop vite, comme on dit des fois, hein, hein, tu te réjouis trop vite, parce que par la suite ça peut changer. Donc, il faut savoir que lorsqu'on a quelque chose de bien, il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand il y a un malheur, il faut être patient. Et c'est ça que le cheikh, il va expliquer. Il dit, بَلِ الْوَاجِبْ عَلَيْنَا الصَّبْرُ عِنْدَ الْمَصَائِبْ وَعَدَمُ الْيَأْسِ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ وَالشُّكْرُ عِنْدَ الرَّخَاءِ وَعَدَمُ الْأَمْنِ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ. Donc le cheikh, il dit, qu'est-ce qui est obligatoire pour nous? C'est d'être patient lorsqu'il y a des malheurs. Et de ne pas perdre l'espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et d'être reconnaissant lorsqu'il y a de la facilité et du bien, hein, et de ne pas se sentir en sécurité contre les ruses et les plans d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le chef dit « وَنَكُونُ مُرْتَبِطُونَ بِاللَّهِ فِي الْحَالَتَيْنِ. Donc dans les deux états, que ce soit dans les états de joie et de bien, et dans les états de difficulté ou de malheur, on doit toujours rester lié à Allah subhanahu wa ta'ala, et toujours rester en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, soit par la patience et par la reconnaissance vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit par la suite, قال أكرمة رحمه الله ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن ولكن اجعلوا الفرح شكرا والحزن صبرا. Le cheikh, il dit que Akrima, rahimahullah, a dit, il n'y a personne excepté qu'il soit heureux ou triste. Hein? Mais faites que votre joie soit un reconnaissance et un remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala, et faites que votre tristesse soit de la patience et de l'endurance pour Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Après le cheikh, il dit, ليس معنى هذا أن العبد لا يتخذ الأسباب الواقية من الشر والجالبة للخير وإنما يتكل على القضاء والقدر كما يظن بعض الجهال وهذا من أكبر الغلط والجهل فإن الله أمرنا باتخاذ الأسباب ونهانا عن التكاسل والإهمال ولكن إذا اتخذنا السبب وحصل لنا عكس المطلوب فعلينا أن لا نجزع لأن هذا هو القضاء المقدر ولو قدر غيره لكان. Donc le chef il explique, il dit que ça veut pas dire non plus qu'on doit pas prendre les moyens pour se protéger du mal ou pour amener du bien. Au contraire, on doit faire l'effort, le plus grand effort possible pour amener le bien et pour éloigner le mal. Hein? On peut pas juste rester assis puis attendre que quelque chose nous arrive, de bien ou de mal. Non, on fait l'effort, on bouge, on prend les moyens nécessaires que Allah nous a permis de prendre pour arriver à acquérir ou accéder ou se protéger de quelque chose. Mais, comme le chef nous dit, il y a certaines personnes, hein, parmi des ignorants qui ont mal compris ça. Et eux, ils pensent que tu peux juste t'asseoir et attendre que quelque chose t'arrive et comme ça, t'as pas besoin de faire l'effort pour avoir un bien ou de te protéger du mal. Hein. Donc, par exemple, yani, tu vas rester en dessous du soleil lorsqu'il fait très très chaud, puis tu vas pas prendre quelque chose pour te cacher de la tête pour pas que le soleil te brûle. Et tu dis ah, ça c'est qadar. Mais non, tu prends le moyen pour te protéger de la chaleur et tu te couvres ou tu te mets à l'ombre. Hein. Non. Oui, c'est ça. Certaines, comme le fait, il dit, le bon exemple, il parle de la ceinture de sécurité quand on conduit une voiture. Certains pourraient dire, ah, mais si Allah a prédestiné que j'ai un accident, la ceinture de sécurité peut pas me sauver. Sauf que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de prendre les moyens nécessaires pour éviter le mal. Et ça, c'est obligatoire. Donc, si tu es capable de prendre le moyen en mettant ta ceinture de sécurité pour te protéger contre un mal, donc prends-le ce moyen-là. Mais si Allah a écrit que ça doit t'atteindre, c'est certain que ça va t'atteindre. Mais ça peut être un moyen qui va t'aider à éviter ce problème-là. Non. Pour éviter, non, il faut prendre les moyens, exactement. Et il y a aussi, comme le frère il mentionne, l'exemple du hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est parti à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait calculé bien comme il faut son hijra, à l'avance, il avait planifié, même les mouchriquins s'étaient rassemblés autour de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour essayer de l'assassiner. Alors qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait fait Ali ibn Abi Talib prendre sa place dans son lit, il est sorti par derrière, il a pris un long chemin, c'est-à-dire au lieu d'aller vers Médine directement, il est allé dans l'autre sens, il a fait un détour, puis il est retourné par la suite vers Médine. Et, alaykoum salam wa rahmatullah, il a pris la meilleure monture, les deux montures, les meilleures, il a choisi Abu Bakr pour l'accompagner, il a pris un guide pour le guider, pour lui montrer les chemins les plus rapides et les moins dangereux pour traverser. Et puis il est parti, alhamdoulilah, il a mis sa confiance en Allah, mais il s'est bien préparé avant de partir. Donc ça montre que tu ne fais pas juste quelque chose comme ça, mais tu prends les bons moyens selon les règles de la charia. Alaykoum salam wa rahmatullah. De même que, il y a beaucoup d'autres exemples de ce genre qu'on pourrait donner. L'exemple du bédouin qui est rentré dans la mosquée puis qui a dit, ya Rasulallah, j'ai laissé mon chameau dehors, je ne l'ai pas attaché, je mets ma confiance en Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, اعقلها ثم توكل على الله. Il a dit, va l'attacher, après mets ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, lorsque tu l'auras attachée, au moins tu sais qu'elle est attachée, elle ne peut pas s'enfuir hein, facilement. Mais si par la suite, il arrive qu'elle se détache toute seule ou d'une autre façon qu'elle s'enfuit, ça ce sera par le qadar. Mais tu as pris le moyen nécessaire pour éviter ça. Donc c'est ça al-qadar ou al-qadar. Ok? Donc ça c'est très important à comprendre. نعم الشيخ يقول ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ يقول on a été ordonné de prendre les bons moyens et on n'a pas le droit d'être paresseux hein, et de se laisser aller. Il faut prendre les moyens nécessaires et si le contraire de ce qu'on veut arrive, on ne perd pas, on se décourage pas parce que ça c'était prédestiné. C'est ça que le chef a dit. Mais si Allah avait prédestiné autre chose, c'est autre chose qui serait arrivée. Mais c'est pas le cas. Après le chef, il dit, وَلِهَذَا يَقُولُ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزَنَّ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٍ فَلَا تَقُلْ لَوْ إِنِّي فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ رواه مسلم. Donc le cheikh il mentionne un hadith par la suite pour montrer encore plus clairement l'exemple de ce principe-là. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit fait beaucoup d'efforts pour avoir ce qui va te profiter et qui va t'amener du bien. Et mets ta confiance en Allah, usta'in billah, et ne te décourage pas. Et si un malheur t'atteint, ne dis pas, oh, si seulement j'avais fait telle ou telle chose ne serait pas arrivée. Ne dis pas ça. Il dit, mais dis plutôt, قدر الله وما شاء فعل. C'est-à-dire, dis, ça c'est Allah qui l'a prédestiné et il fait ce qu'il veut. Hein? Parce que si tu commences à dire si, eh bien ça va ouvrir la porte au shaitan. Hein? Et là, ça va commencer à amener toutes sortes de problèmes parce que tu vas commencer à dire, mais si j'avais pas fait ça, si j'avais fait ça et si j'avais pas fait ça, ça veut dire que tu commences à remettre en question la sagesse et la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est pas l'attitude du mu'min. Le cheikh par la suite il dit, وَعَلَى الْعَبْدِ مَعَ هَذَا أَنْ يُحَاسِبْ نَفْسَهُ وَيُصَحِّحَ أَخْطَاءَهُ فَإِنَّهُ لَا يُصِيبُهُ شَيْءٌ إِلَّا بِسَبَبِ ذُنُوبِهِ. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فيما فبما كسبت أيديكم. Donc le cheikh il dit que le serviteur il doit toujours se remettre en question et se compter lui-même, c'est regarder lui-même sa situation, regarder où il en est et regarder ses erreurs et essayer de les corriger. Parce qu'il n'y a aucun malheur qui t'atteint excepté que c'est à cause de tes péchés. Le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit tout ce qui vous atteint de malheur, c'est à cause de ce que vos mains ont accompli. C'est-à-dire c'est à cause de vos actions. Hein. Tout malheur qui vous atteint, c'est à cause de vos actions. Alors, lorsque tu vois que des malheurs t'atteignent, alors regarde tes actions, regarde ce que tu fais et essaie de le corriger. Essaie de régler les problèmes que tu peux faire dans ta vie qui peuvent être la cause de ces malheurs-là. D'accord? Non. Et c'est soit pour te purifier de ton péché, hein, pour t'effacer certains de tes péchés, hein, et pour te tester également dans ta foi. D'accord? Parce que tout malheur qui t'atteint, c'est une kafara, c'est une expiation pour tes fautes que Allah te donne. Et ça c'est pour le mu'min, bien entendu. Lorsque un malheur t'arrive, et que tu sais que ça vient d'Allah, et que tu es patient, là tu as une expiation pour ton péché, et tu as un effacement, tu as une augmentation de ta foi, une expiation de tes fautes. Et ça, on va l'expliquer tout dans pas grand temps, Inch'Allah. Le cheikh dit par la suite, ومن ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر الثبات عند مواجهة الأزمات واستقبال المشاق واستقبال مشاق الحياة بقلب ثابت ويقين صادق لا تزلزله الأحداث ولا تهزه الأعاصير لأنه يعلم أن هذه الحياة دار ابتلاء وامتحان وتقلب كما قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ونعلم الصابرين ونبلو أخباركم. Donc le chef il dit que parmi les fruits de la foi en al-qada ou al-qada, il faut être ferme, c'est que ça nous donne la fermeté à affronter les difficultés et les épreuves de la vie. Et ça raffermit notre conviction et notre sincérité lorsque il y a des choses qui secouent notre vie, comme des tremblements et des difficultés, des choses très dures. Donc, le fait d'avoir cette foi en al-qada ou al-qadar, eh bien, ça nous aide à rester plus dur et plus ferme lorsque ces choses-là se produisent. Et le cheikh, il dit que le mu'min, il sait que cette vie présente, c'est uniquement une demeure de test, d'épreuve, et d'examen. Et les situations ne cessent de changer. On reste jamais dans un seul état, toujours bien. Toujours les choses se passent toujours bien. Non. La dunya, ça change. Des fois, ça va pour le mieux. Des fois, ça devient difficile. Mais c'est tout ça, c'est des épreuves qu'Allah nous donne pour nous tester. Après, il mentionne deux versets. Il dit, Allah, c'est lui qui a créé les cieux et qui a créé la mort et la vie, dans le but de nous tester, pour savoir lequel d'entre nous sera meilleur en action. Dans un autre verset, Allah, il dit, et nous allons vous tester pour savoir lequel d'entre vous sont les gens qui vont lutter et qui vont faire des efforts et qui sont les endurants parmi vous. Donc c'est ça le but de notre vie sur terre. C'est pour nous tester et c'est pour voir est-ce qu'on est endurant, est-ce qu'on est prêt à lutter. Donc, lequel d'entre vous est le meilleur en action? Et là, je précise en passant ici, il n'a pas dit « akthar wa amala », mais il a dit « ahsan wa amala ». Et beaucoup de gens, des fois, ils ne prennent pas en note ça, c'est parce que beaucoup de gens regardent uniquement la quantité des actions, ils ne regardent pas la qualité non plus. Quelqu'un peut faire 10 prières, et puis il les fait, chacune d'entre elles, il va faire 2 rak'at, il va les faire en 2 minutes. Une autre personne va faire 2 rak'at seulement, mais il va se concentrer dedans, il va prendre 10 minutes pour la faire, ou même 20 minutes pour la faire. Mais avec beaucoup de concentration, beaucoup de sincérité, et beaucoup d'ikhlas, beaucoup de khushur, cette prière-là qu'il a fait, même si elle est juste 2 rak'at, et l'autre en a fait 10, ces 2 rak'at qu'il a fait ont plus de valeur que l'autre qui en a fait 10, mais qui n'avait pas de concentration et qui les faisait rapidement. Donc c'est pas uniquement la quantité. Et donc c'est une question de test également, comme j'ai mentionné. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا إلى الآخر verse ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. Après le cheikh dit كم جرى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته من المحن والشدائد لكنهم واجهوها بالإيمان الصادق والعزم الثابت حتى اجتازوها بنجاح باهر وما ذلك إلا لإيمانهم بقضاء الله وقدره واستشعارهم بقوله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا و وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Donc le cheikh il dit, et combien d'épreuves sont arrivées au prophète, au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à ses compagnons, de toutes sortes d'épreuves et de difficultés. Mais ils ont affronté ces épreuves avec beaucoup de foi, avec une foi sincère et avec une conviction ferme. Donc ils ont eu beaucoup de succès et beaucoup de victoires par la suite à cause de leur patience, à cause de leur endurance, à cause de leur foi, hein, parce qu'ils ont cru en al-qada ou al-qadar, et ils ont compris le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit qul, c'est-à-dire dit, Allah dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de dire à ses compagnons, لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. Rien ne va nous atteindre excepté ce qu'Allah nous a écrit, a écrit pour nous. Hein? هو مولانا. C'est lui notre maître. Hein? وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Et c'est en Allah qu'on doit mettre, et que les croyants doivent mettre leur confiance. Après, le cheikh il dit comme quatrième fruit de cette foi, il dit, ومن ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر تحويل المحن إلى منح والمصائب إلى أجر كما قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. Parmi les fruits de la foi en القضاء والقدر, c'est que ça transforme les tests et les épreuves en crédit ou en bien, hein, pour nous. Et les épreuves, ça devient des récompenses. Au lieu d'être des châtiments, ça devient des récompenses pour nous. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il n'y a pas d'épreuve qui nous atteint excepté par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si ça t'atteint, c'est parce que c'est Allah qui l'a permis. D'accord? Et après, comme conséquence de ça, si on a cru, Allah nous augmente notre guidance et il guide notre cœur, parce qu'il dit وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهِ. Celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala lors de ces épreuves-là, cette preuve de foi, Allah guide son cœur. Hein? وَعَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ. Et Allah est à connaissance de toutes choses. قَالَ عَلْقَمَهِ هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. علقمة il a expliqué, il donne le tafsir de ce verset. Celui que Allah guide son cœur, c'est qui? Il dit c'est l'homme. Un malheur l'atteint, un malheur lui arrive, et il sait qu'elle vient d'Allah, et il est satisfait et il se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit par la suite, il continue, il dit ومعنى الآية الكريمة من أصابته مصيبة فعلم أنها من قدر الله فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله هدى الله قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه ويقينا صادقا. Donc le cheikh il dit que la signification de ce verset, c'est que celui à qui un malheur atteint, celui à qui lui arrive un malheur, et il sait que ce malheur a été prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala, et qui a été patient et endurant, hein, et qui recherche la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette patience et dans cette endurance-là, et qui se soumet à la destination et au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala il guide son cœur et il lui remplace ce qu'il a perdu de cette dunya par de la guidance dans son cœur et de la conviction sincère. Donc il lui transforme ça par de la foi et de la guidance et de la sincérité. Et ça me fait réfléchir un petit peu, ça me rappelle un principe très important. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, quand quelqu'un a la foi et quand quelqu'un fait du bien, Allah subhanahu wa ta'ala lui récompense par du bien. Hein? Et quand tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala, Allah te récompense il te récompense en t'aidant à le remercier encore plus. Ok? C'est comme ça. Et quand quelqu'un s'égare et se détourne, Allah le punit en lui facilitant l'égarement et l'éloignement de la vérité. C'est pour ça que souvent, on voit que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, par exemple, وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى. Et Allah subhanahu wa ta'ala augmente à ceux qui ont été guidés, il les augmente en guidance. Et il dit, par exemple, au sujet des Juifs, فَلَمَّا زَارُوا أَزَارَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Lorsqu'ils se sont déviés, Allah a dévié leur cœur. Hein? Donc, à cause de leur... eux-mêmes, ils ont dévié en premier. Allah les a par la suite, par conséquence de ça, il les a déviés. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, فَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى. En ce qui concerne Thamoud, on leur a montré le droit chemin, mais ils ont préféré l'égarement à la guidance. Et Allah dit dans le Coran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Ceux qui font des efforts dans notre voie, on va les guider vers nos chemins. Donc, ça veut dire que la foi est toujours une conséquence de quelque chose de bien qu'on a fait, et parce qu'on demande à Allah de nous guider, et Allah nous récompense par la guidance. De même que l'égarement, Allah n'égare pas une personne sans raison. Allah égare une personne parce qu'elle ne veut pas être guidée. Ou bien il l'égare parce qu'elle suit l'égarement, elle cherche l'égarement. Tandis que celui qui cherche la guidance et qui cherche le droit chemin et qui cherche le bien, Allah subhanahu wa ta'ala le guide. Hein? Exactement, exactement. C'est pour ça que dans le verset, il y a une surah dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنِيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنِيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Celui qui a donné et qui a créé Allah, on va lui faciliter le bien et le paradis, les choses de ce genre. Mais celui qui a été avare et qui croit qu'il se suffit à lui-même, qu'il n'a pas besoin d'Allah, et qui a renié le bien, hein, alors on va lui faciliter vers le mal, vers l'égarement, etc. Donc toujours c'est une sorte de un cercle, hein, une chaîne. C'est pour ça que lorsque vous rentrez dans un péché, ce péché-là souvent va vous amener à un autre péché. Et cet autre péché va vous amener à un autre péché. Et cet autre péché va vous amener à un autre. Et ça devient un cercle. Et c'est pour ça qu'il faut couper ce cercle en se repentant, en demandant pardon à Allah et en faisant des bonnes œuvres. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ittaqillah haythuma kunt wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliq an-nas bi khuluqin hasan. » Il a dit « Crée Allah où est-ce que tu es, peu importe où tu es, et fais suivre le péché par une bonne action, elle va l'effacer, et agis avec les gens avec un bon comportement. » Donc ça nous montre que lorsque tu as fini de faire un péché, si tu as fait un péché, tu demandes pardon à Allah, suis ce péché-là par une bonne action. Et le fait d'avoir fait la bonne action par la suite, ça va l'effacer. Et ça rappelle le choix d'un sahabi. Et ce sahabi, il était parmi les rues des petites ruelles dans Al-Madina à cette époque-là, et il a croisé une femme. Et par la suite, il est venu, il a prié avec les musulmans, il a fait la salat. Et après la salat, il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit « Ya Rasulullah, j'ai rencontré une femme et j'ai tout fait avec elle. J'ai fait avec elle tout ce qu'un homme fait avec sa femme, excepté l'acte sexuel, le rapport sexuel. Donc, il a dit, qu'est-ce que je fais? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, est-ce que tu as prié avec nous? L'homme a dit oui. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans ce cas-là, ton péché, qu'est-ce que tu as fait? C'est effacé. Donc, le fait d'avoir suivi ce péché-là par une bonne œuvre, c'est-à-dire de prier en jama'a avec les musulmans, hein, faire l'wudu, faire la salat, prier en jama'a, tout ça, ça a effacé son péché. C'est pour ça que ça nous montre l'exemple que une personne peut faire un péché, mais il suit ce péché-là par une bonne œuvre et ça efface son péché. Donc c'est pour ça que c'est important toujours de faire tawba, de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala après avoir commis un péché. Et quand tu fais une bonne œuvre, suis-la d'une bonne œuvre. Et quand tu as la suivi d'une bonne œuvre, suis-la d'une bonne œuvre encore. C'est comme ça. Quand tu dis par exemple, Alhamdulillah, c'est comme Ibn Uthaymin, le Cheikh Ibn Uthaymin, il expliquait ce chapitre dans Riyad al-Salihin. Il disait, lorsque tu dis Alhamdulillah, redis encore une fois Alhamdulillah pour remercier Allah qu'Allah t'a permis de dire Alhamdulillah. Et dis-le encore une troisième fois. Hein? Et quand tu dis Astaghfirullah, dis Alhamdulillah. Non, parce que toute bonne œuvre que tu fais, c'est parce que Allah t'a permis de le faire. Donc quand tu as fini de faire Salat al-Asr en jama'a, dis Alhamdulillah, parce que c'est Allah qui t'a permis de faire cette salat en jama'a, qui t'a permis de l'adorer. Le bien que tu fais, c'est pas grâce à toi seulement. C'est-à-dire que c'est Allah qui te permet de le faire. Donc il faut remercier Allah de ça. Non, alhamdulillah. Ça c'est un exemple. Tu dis alhamdulillah qu'Allah m'a donné une langue pour que je puisse le glorifier avec. C'est vrai. Si Allah t'avait pas donné la langue, tu ne pourrais même pas dire alhamdulillah. Donc en réalité tout le bien, tout ce que tu as, tout le bien revient à Allah tout le temps. Hein? Donc c'est une grande miséricorde, subhanallah. Donc après le cheikh il dit, donc celui qui a Allah guide son cœur, et le cheikh il dit, عَوَّضَهُ اللَّهُ عَمَّا فَاتَهُ مِنَ الدُّنْيَا هُدًا فِي قَلْبِهِ. Donc Allah lui change ça pour de la guidance dans son cœur, comme on a dit. وَهَذَا فِي نُزُولِ الْمَصَائِبَ الَّتِي هِيَ مِنْ قَضَاءِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ. Il dit ça, ça concerne les malheurs qui nous atteignent parmi les dunya, dans les choses de la dunya, qu'Allah nous a donné dans la prédestination. لَا دَخَلَ لِلْعَبْدِ فِي إِجَادِهَا. Ça n'a rien à voir avec les êtres humains, on n'a pas été aidés, on n'a pas voulu que ces choses-là arrivent, on n'a pas rapport avec l'avènement de ces malheurs-là. Comme quand il y a un tremblement de terre, c'est pas notre faute. Il y a personne qui a voulu ça, il y a personne qui a causé ça. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a prédestiné que ces choses-là se produisent. La même chose que pour les autres malheurs, oui. Ça peut également comme résultat de nos actions ou de nos péchés aussi. Souvent, c'est ça la raison. Allah, il fait que les désastres naturels, les choses qui se produisent dans le monde, arrivent à cause de nos péchés souvent. Hein, mais les matérialistes, les gens qui ne croient pas en Allah, ils essaient de ramener ça uniquement à des causes naturelles qui n'ont aucun rapport avec la morale ou aucun rapport avec les actions qu'on peut faire. Louisiane, ouais. Comment ça s'appelle cet endroit-là? Le Louisiane, ça s'appelle comment? Ouais, Nouvelle-Orléans, exactement. Ça, c'est un exemple clair. Et puis, c'est pas juste Nouvelle-Orléans. Combien il y a d'ouragans et de tornades qui tombent sur les États-Unis? Combien d'inondations, puis de problèmes qui arrivent là-bas? Tout ça à cause des péchés des gens. Exactement, c'est ça la réalité. Pour les mu'minim, ceux qui ont cru en Allah, c'est une expiation pour les péchés, d'accord, une rahma. Mais pour les kuffars, c'est un châtiment, c'est une punition. Oui, exactement. Il y a beaucoup dans les régions où le tsunami a frappé, il y a beaucoup de gens où, là, il y a beaucoup d'endroits là-bas, c'est de la corruption, du désordre et des péchés que les gens font là-bas. Et ça, ça déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est certain que il y a c'est Allah, il a fait ça pour une sagesse, yani, pas pour rien. Après, le cheikh, il dit, إلا من ناحية أنه تسبب في نزولها به حيث قصر في حق الله عليه بفعل أمره وترك نهيه فعليه أن يؤمن بقضاء الله وقدره ويصحح أخطاءه الذي أصيب بسببه. Donc c'est ça. Comme on disait, l'être humain n'a pas fait ça. L'être humain, c'est pas l'être humain qui a fait arriver ces tremblements-là ou ces malheurs-là dans l'univers, sauf que, à cause de nos actions, parfois ça peut être un résultat parce qu'on a laissé tomber les ordres d'Allah et on a fait ce qu'il nous a, on n'a pas abandonné ce qu'il nous a interdit. Après le cheikh dit, « وَبَعْدُ النَّاسِ يُخْطِئُونَ خَطَأً فَاحِشًا عِنْدَمَا يَحْتَجُّونَ بِالْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ على فعلهم للمعاصي وتركهم للواجبات يقولون هذا مقدر علينا ولا يتوبون من ذنوبهم كما قال تعالى كما قال المشركون لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء وهذا فهم سيء من القضاء والقدر لأنه لا يحتج بهما على فعل المعاصي والمصائب وإنما يحتج بهما على نزول المصائب والاحتجاج بهما على فعل المعاصي قبيح لأنه ترك للتوبة وترك للعمل الصالح المأمور بهما والاحتجاج بهما على المصائب حسن لأنه يحمل على الصبر والاحتساب. Après, qu'est-ce qu'il dit? Le chef, il dit, il y a des gens qui ont mal compris ça, la question de l'qadar wa l'qadar. Et ils essaient de se baser sur l'argument de la prédestination pour justifier leur péché et de laisser tomber les obligations d'Allah. Donc, quand ils font un péché, ils disent, ah, mais ça c'est Allah qui me l'a prédestiné. Et ils ne se repentent pas. Ils ne cherchent pas à se repentir. Donc ça c'est une mauvaise conception. Et ça, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à l'exemple des mushrikines qui disaient, et si Allah avait voulu, on n'aurait pas Si Allah aurait voulu, nous n'aurions pas commis le shirk, ni nous, ni nos ancêtres. Et on n'aurait pas interdit quoi que ce soit de halal. D'accord? Mais, yani, le shirk, il dit que ça, c'est une mauvaise compréhension de Al-Qadha ou Al-Qadar. Parce que Allah a révélé le livre avec les messagers, dans lesquels il a fait savoir ce qu'il voulait des êtres humains. Hein? Donc, tu peux pas dire que si Allah aurait voulu, on n'aurait pas fait le shirk, parce qu'il a envoyé un prophète avec un livre, et dans lequel il a fait savoir qu'il ne veut pas que tu commettes le shirk. Donc, quelle excuse que tu peux avoir par la suite pour te justifier en utilisant Al-Qadha ou Al-Qadar? C'est une contradiction. Et ça, vous allez voir que beaucoup de musulmans n'ont pas compris ça, juste en discutant avec certains musulmans. Parce que des gens répètent des exemples de ces gens-là, des mushrikines, sans même s'en apercevoir. Par exemple, ça m'est arrivé plusieurs fois, en discutant avec des musulmans, de leur dire, « Ya akhi, pourquoi tu ne fais pas la prière ?» Et la personne me répond, « Quand Allah va vouloir, je veux prier. » C'est la même chose que qu'est-ce que les mushrikines disent. Hein? « Law sha Allah, ma ashrakna, wala aba'una. » Hein? Ils disent, quand Allah va vouloir, je vais faire la prière. Mais Allah, il veut que tu fasses la prière, puisqu'il t'a ordonné de le faire. Hein? Et ils essaient de se baser sur la prédestination pour justifier le fait qu'ils ne prient pas. En essayant de faire comprendre que Dieu ne veut pas actuellement qu'ils prient, et que lorsque Allah va vouloir, ils vont prier. Ça, c'est une grave erreur dans Al-Qadar ou Al-Qadar. Ouais, c'est pas sérieux. Hein? Si tu veux prier, prie, tu te lèves et tu fais ton oudou, tu fais ta salat. Et tu vas voir que Allah va t'aider à prier par la suite. Mais si tu restes assis comme ça, puis tu dis, quand Allah va vouloir, je vais prier. Est-ce que tu dis ça pour le travail aussi, le matin, quand t'es chez toi? Tu dis, quand Allah va vouloir, je vais aller travailler. Hein? quand Allah va vouloir, je vais aller à l'école. Hein? Oui, c'est ça. Donc, ils sont, ils sont en contradiction entre les affaires de la dinia et les affaires de la religion. Quand c'est des affaires religieuses, ils disent, ah, Allah, il veut pas, je prie pas. Mais quand c'est des affaires de la dunya, alors c'est les premiers à se lever, puis à forcer et à courir pour aller travailler. Donc, il y a... Oui, c'est ça. C'est le problème, c'est la volonté et les moyens, et le prendre les moyens. That's it. T'as la volonté d'arrêter, premièrement, est-ce que tu veux arrêter? Oui. Est-ce que tu es capable d'arrêter? Oui. Non, arrête. C'est la même chose pour la salat. Est-ce que tu as la volonté de faire la salat? Oui. Est-ce que tu es capable de le faire? Est-ce que tu es handicapé? Est-ce que tu es malade? Si tu es malade, si tu es handicapé, il y a des choses qu'on peut faire. Tu peux faire la prière de certaines façons. Tu n'as pas d'eau? Tu peux faire tayammum. Hein? Il y a d'autres, il y a plein de façons pour qu'Allah nous a facilité pour qu'on puisse soit, pour qu'on soit toujours capable de faire la salat. Donc ça, c'est des exemples, comment des gens ont mal compris. Une femme peut dire, ah, moi je porte pas le hijab. Quand Allah va vouloir, je vais porter le hijab. Comment tu penses qu'Allah veut pas que tu portes le hijab? Allah, il a fait révéler des versets clairs dans le Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué ça de façon claire dans, les hadiths. Comment la femme doit se voiler et les règles du hijab et comment c'est obligatoire pour la femme de se voiler. Et de... Ouais, c'est pas, ouais, Inch'Allah, quand Allah va vouloir, Inch'Allah, comme si Allah ne voulait pas, mais Allah il veut, Allah il a dit, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ أَنْ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ أَوْ يَحْفَضْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِنَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. Il dit aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté, et de ne laisser paraître de leurs atours que ceux qui en paraissent. Hein? Et certains ulama ont dit, il y en a qui ont dit que c'est les vêtements extérieurs. Lorsque la femme sort, elle met son djilbab sur elle, on ne voit rien d'elle, excepté ses vêtements. D'autres ont dit que c'est les mains et le visage qui peuvent être montrés. Et ça, il y a une différence d'opinion à ce sujet-là entre les ulama. Par contre, ils sont d'accord pour dire que si dans la société il y a beaucoup de fitna, beaucoup de désordre, beaucoup de corruption, la femme est obligatoirement, elle est obligée de se couvrir son visage dans ces sociétés-là. Même ceux qui disent que c'est pas obligatoire de cacher le visage, dans la société où il y a la fitna, ils disent que la femme doit se couvrir le visage. Donc ça c'est une clarification. Et ils disent dans le Coran, Ya ayyuha an-nabi, Ya ayyuha an-nabi, قل لبناتك يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. Oh le prophète, oh prophète, dis à tes épouses et à tes filles qu'elles rabattent sur elles leur djilbab. يدنين عليهن من جلابيبهن. Donc ça c'est des ordres clairs, et les sahaba ils ont expliqué la description, c'est quoi le djilbab. Ils ont dit c'est un drap, un long tissu, un long drap qui couvre la tête aux pieds, et qui ne laisse paraître qu'un seul œil. Et ils l'ont montré comment ils le portaient les femmes au temps des sahaba, ils ont donné l'exemple. Et si vous retournez au tafsir, dans les livres de tafsir, c'est expliqué clairement, avec les citations et les exemples. Donc ça c'est juste un exemple pour vous rappeler de ça. Oui. Les djilbab, aïnam, abaya. Je l'ai vu comme la façon comme les femmes en Arabie Saoudite. Masha'Allah. Ça c'est la meilleure façon. Parce que ça cache tout. Une femme, quand elle sort habillée comme ça, il n'y a pas de fitna, et tout son corps est couvert. Ça c'est comme ça que toutes les femmes musulmanes devraient essayer de se voiler. Ouais, ouais. Tout ce qui couvre, le mieux qu'une femme est couverte, le moins qu'on voit de choses d'elle, le mieux c'est. Hein? Et pas les petits voiles que les femmes portent aujourd'hui là, les petits foulards dans le cou là, et puis un pantalon jeans avec les petits, ouais, non ça là, c'est pas le hijab que Allah a ordonné aux femmes de porter, et ça, ça s'appelle même pas un hijab. Non. Le niqab. Ouais, j'ai reçu le email, un frère de Médine, il m'a envoyé ça. En France, ils ont fait un projet de loi qui interdit à toute personne sur le territoire français de se cacher le visage, et que le visage d'une personne à tout moment sur les voies publiques doit être, ils doivent être capables de le voir pour l'identifier, etc. Donc ça, c'est une loi. Ouais, ils sortent toujours des lois. Et la raison pourquoi ils ont fait ce nouveau projet de loi là, c'est parce qu'ils disent que c'est pour éviter certains comportements qui sont discriminatoires ou mauvais pour la femme. Et donc, pour garder l'honneur, soi-disant pour préserver l'honneur de la femme, il faut qu'elle, faut pas qu'elle se cache le visage. Alors que l'islam, c'est le contraire. C'est l'islam qui amène l'honneur pour la femme. Et c'est en cachant la femme qu'on amène son honneur. Pas en la dévoilant, puis en la laissant marcher à moitié nue dans la rue, hein, pour que tout le monde puisse yani, profiter d'elle. Alors là, on pense qu'elle a un honneur. Ça, c'est avoir une mentalité ou avoir la tête à l'envers. Mais eux, ils le laissent. Eux, ils n'ont pas de ghayra, comme on dit. Ils n'ont pas de ghayra. Une ghayra, c'est quoi? C'est d'avoir l'honneur, le sens de la jalousie pour sa femme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Al-ghayratu min al-iman ». D'avoir al-ghayra, la jalousie, l'honneur pour sa femme, pour ses filles, ça fait partie de la foi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Salata la yadkhulun al-jannah ». Al-dayyuf, le premier qu'il a mentionné, c'est al-dayyuf. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Trois personnes n'entreront pas au paradis ». Et parmi ces trois-là, le premier qu'il a mentionné, c'est qui? Al-dayyuf. C'est qui Ad-Dayyus? Celui qui n'a pas de jalousie pour ses femmes, pour ses filles. Ça ne lui dérange pas que sa fille sorte dehors ou regarde, les hommes la regardent, elle se mélange avec les hommes, elle s'assoit avec les hommes. Ça, c'est Ad-Dayyus. Et ça fait partie des trois. Et le deuxième, c'était Mudmin al-Khamr, c'est-à-dire celui qui boit constamment de l'alcool. Et l'autre, c'était quoi? Al-Mutaradjilatu min al-Nisa. Ou la femme qui agit comme un homme, elle a un comportement d'homme, elle est masculine, elle agit comme un garçon. Et ça, c'est beaucoup dans notre siècle, des femmes qui agissent comme des hommes, et qui veulent être comme des hommes, et égales à l'homme. Tout ça, c'est des femmes qui sont maudites par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Donc, on revient au sujet. Le cheikh dit, « وَبَعْدُ النَّاسِ يُخْطِئُونَ » Oui, c'est ça, on a expliqué ça, l'erreur de ces gens-là à propos du qadar. Il dit, leur erreur, c'est parce qu'ils se basent sur le qadar pour faire des péchés, et ils se basent sur le qadar pour les malheurs. Donc, il faut être capable de faire la distinction, que quand les malheurs arrivent, on se base sur le qadar, mais pas les péchés. Pour faire la distinction entre les malheurs qui arrivent dans le monde et qui nous atteignent dans notre vie ou dans nos biens, ça oui, on se base sur le qadar quand ça arrive et on fait preuve de patience. Mais quand on fait un péché, par contre, on ne se justifie pas notre péché en utilisant l'argument de la prédestination. Pourquoi? Parce que le péché est interdit par Allah et il nous demande de nous repentir et de laisser tomber et d'abandonner ce péché. De même que on peut pas se baser sur le qadar pour le fait qu'on ne fait pas qu'est-ce que Allah nous ordonne de faire. Donc, par exemple, la salat, le hajj, le zakat ou d'autres obligations dans la religion. D'accord? Et cinquièmement, le cheikh dit: "ومن ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر أنه يدفع الإنسان إلى العمل والإنتاج والقوة والشهامة. فالمجاهد في سبيل الله يمضي في جهاده ولا يهاب الموت لأنه يعلم أن الموت لا بد منه وأنه إذا حاء لا يؤخر ولا يمنع منه حصون ولا جنود أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وهكذا حينما يستشعر المجاهد هذه الدفعات القوية من الإيمان بالقدر يمضي في جهاده حتى يتحقق النصر على الأعداء وتتوفر القوة للإسلام والمسلمين. Donc ici le cheikh il nous explique un autre principe très important de la foi en, ou un des bienfaits importants de la foi en al-qada ou al-qadar, et il dit que ça nous amène à nous forcer et à faire les actions et à faire preuve de force. Et il donne dans ça l'exemple du mujahid, l'exemple du combattant dans le chemin d'Allah, celui qui lutte pour la religion d'Allah. Il n'a pas peur de la mort parce qu'il sait que tout ce qui peut lui arriver dans le combat, c'est uniquement ce que Allah lui a prédestiné. Donc il fonce dans le combat et il met sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et il sait que sa mort, rien ne peut l'avancer et rien ne peut la reculer. Et même s'il était derrière une muraille ou une forteresse et que l'heure de sa mort a été écrite, eh bien il n'y a rien qui peut le protéger de cette heure ou de ce moment ou de cet instant de sa mort, peu importe où il est. Et c'est pour ça que dans plusieurs versets, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala parle du jihad dans le Coran, il dit que si, peu importe où vous êtes, la mort va vous atteindre, même si vous étiez caché derrière des murailles hein, et des forteresses, si la mort doit vous atteindre, elle va vous atteindre. Et également, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au prophète de dire, dit, même si vous étiez dans vos demeures, que vous n'étiez pas au combat, ceux pour qui la mort avait été déjà écrite et prédestinée, ils seraient sortis, hein, à ce moment-là, hein, pour la mort. Donc ça veut dire que on ne peut pas s'enfuir de notre destin, on ne peut pas s'enfuir de ce que Allah a écrit pour nous, et on ne peut pas s'enfuir de ce qu'il a prédestiné. Donc il faut avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque le mujahid, celui qui combat et qui lutte dans le chemin d'Allah, est rempli de cette foi en la prédestination, il continue dans sa lutte et dans son jihad. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il continue dans son jihad, et c'est là que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la victoire sur ses ennemis, hein, et que la force revient pour les musulmans et pour l'islam. Hein. Et ça c'est comme un cheikh disait, il dit jazman an as-silah mahma qawiya fatkuh la yaqtul illa man dana ajal. Même l'arme, peu importe la force de sa frappe, elle ne peut tuer que celui pour qui l'heure ou son terme est arrivé. Et quand le croyant sait ça et qu'il part au combat, ça c'est quelque chose qui le remplit d'une sérénité, d'une paix et d'une foi, hein, et d'un courage que les kafirs ne peuvent pas avoir. Et c'est pour ça que les ennemis de l'islam, au temps des sahaba, lorsque les sahaba partaient au combat, ils voyaient les musulmans, ils disaient, ces gens-là sont des fous. Hein, ils foncent sur nous comme si ils n'ont pas peur de la mort. Ils ne pouvaient pas combattre ces gens-là. Ils ont compris que la plus grande arme des musulmans, c'était leur foi. Et c'est pour ça que la première chose qu'ils ont essayé de faire, c'est d'attaquer la foi des musulmans, pour les affaiblir, pour les éloigner de leur foi. Et par la suite, lorsqu'ils ont plus de foi, lorsqu'ils aiment la dunya et lorsqu'ils détestent la mort, eh bien c'est à ce moment-là qu'on est capable de les écraser. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, « إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ وَأَخَذْتُمْ بِأَذْنَابِ الْبَقَرِ وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا الى دينكم. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, lorsque vous allez commencer à vous faire des transactions entre vous avec du riba, et que vous allez être satisfait de l'agriculture, vous allez devenir des cultivateurs, et vous allez vous accrocher au queue des vaches, hein, et que vous allez être bien dans cette dunya, et que vous allez abandonner le djihad, Allah va vous faire tomber sur vous une humiliation qu'il ne retirera pas tant que vous reviendrez, tant que vous n'êtes pas revenu à votre religion. Hein? Donc, lorsque, et c'est ça l'état actuel dans lequel on est. Non, pas nécessairement. Ça peut vouloir dire également de. Aujourd'hui, par exemple, les gens ne sont pas juste. Ils ne sont pas tous des cultivateurs, il y en a qui ont des belles maisons, grosses voitures, un terrain haut, grand terrain, des choses de ce genre. Hein. Ils s'attachent au bien de la vie. Dans le badi, hein. Ouais, c'est ça. Mais ça donne un exemple. Ça donne un exemple de ça. Que les gens, ils s'attardent juste à leurs petites affaires de la dunya. Non, c'est pas juste, c'est pas le fait qu'ils ne prient pas. Peut-être qu'ils prient. Ils prient, mais ils aiment la dunya. Il y a un hadith même aussi qui dit, il y a un temps, je ne sais pas en arabe par cœur, mais je sais que le hadith a dit, il y a un temps où vous allez être, tous les ennemis de l'islam, vos ennemis vont être autour de vous, comme on se rassemble autour d'un plat ou d'un chaudron. Hein? Chacun veut prendre un petit peu de ce chaudron-là. Donc, ils vont se rassembler, vos ennemis, autour de vous comme ça. Hein? Et le prophète, il y a un sahabi qui a demandé à lui, est-ce que ce jour-là, on va être peu nombreux, ya Rasulallah, ou bien c'est parce que, ou bien quoi, Yanni? Est-ce que c'est à cause de qu'on sera un petit nombre, hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, non, ce ne sera pas parce que vous êtes un petit nombre, vous serez nombreux. Voilà qu'il n'a comme roussa, karoussa, seil, hein? Vous êtes comme la mousse, là, sur l'eau. Vous n'êtes pas solide, vous n'êtes pas fort. Vous êtes faible à ce moment-là. Donc, ça veut dire que c'est pas une question uniquement de nombre, de quantité, mais c'est une question de iman et de yaqeen, de taqwa, hein, d'ikhlas, de sidq, sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, le cheikh, il dit, wa kadhalika, comme sixième point, il dit, wa kadhalika al-iman bil-qadar, yatawaffaru l'intaj wa s-sara. لأن المؤمن إذا علم أن الناس لا يضرونه إلا بشيء قد كتبه الله عليه ولا ينفعونه إلا بشيء قد كتبه الله له فإنه لن يتواكل ولن يهاب المخلوقين ولن يعتمد عليهم وإنما يتوكل على الله ويمضي في طريق الكسب وإذا أصيب بنكسة لم يتوفر له مطلوبه فإن ذلك لا يثنيه عن مواصلة الجهود ولا يقطع منه باب الأمل ولا يقول لو أنني فعلت كذا وكذا كان كذا وكذا ولكنه يقول قدر الله ما شاء فعل ويمضي في طريقه متوكلا على الله مع تصحيح خطئه ومحاسبته لنفسه وبهذا يقوم كيان المجتمع وتنظيم مصالحه وصدق الله حيث يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Donc le cheikh il dit comme sixième point que un des fruits également de la foi en al-qada wa al-qadar, c'est que le croyant, lorsqu'il sait que rien ne peut le nuire, excepté ce qu'Allah a écrit pour lui, et que rien ne peut le profiter, excepté ce qu'Allah a écrit pour lui, alors il ne va pas juste se baser sur le fait de rester assis et attendre. Il va faire l'effort. Alaykoum salam wa rahmatullah. Et il ne va pas craindre les êtres humains, les créatures. Hein? Parce qu'on voit cette attitude-là souvent. Lorsque, par exemple, quelqu'un a un emploi et qu'il a peur de perdre son travail parce qu'il pense que s'il ne fait pas qu'est-ce que son patron lui dit, par exemple, même si c'est, ouais, par exemple, ton patron, il te dit, je veux pas que tu ailles faire la prière de vendredi, ou je veux pas que tu t'arrêtes à telle heure pour faire ta prière, ou je veux pas, par exemple, que tu laisses ta barbe pousser, ou des choses de ce genre. Tu vas pas te dire, ah, c'est lui qui détient mon avenir et mon destin, et c'est lui qui détient mon risque et ma vie et mon succès dans cette dunya. Donc je dois l'obéir et le craindre plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que si je perds ce travail, je n'aurai plus de support matériel et plus d'argent, donc je vais être perdu. Alors si tu penses comme ça, t'es pas un mu'min. Parce que le mu'min, il met sa confiance en Allah et il sait que s'il abandonne quelque chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va lui donner quelque chose de meilleur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man taraka shay'an lillah, awadahu Allahu shay'an khayran minhu » Celui qui abandonne quelque chose pour Allah, Allah va lui remplacer cette chose par quelque chose de meilleur. Donc, si quelqu'un parmi tes employeurs te dit « Je veux pas que tu fasses quelque chose de la religion dans ton emploi ou durant tes heures de travail ou je sais pas quoi », et qu'il veut t'empêcher d'adorer ton créateur, celui qui t'a créé et qui t'a tout donné, hein, alors tu lui dis, écoute, tu n'es qu'une créature, tu n'as pas créé le soleil, tu n'as pas créé l'air que je respire, et tu n'as pas créé l'eau que je bois. Alors, je n'ai pas à te demander la permission pour adorer celui qui m'a créé sans ta permission. Alors tu dis, soit que tu m'acceptes tel que je suis, en tant que serviteur d'Allah, ou soit que je démissionne et je vais ailleurs. Parce que le risque vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne vient pas des créatures. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est muqallib al-qulub, il est celui qui a tous les cœurs de créatures entre ses deux doigts, et il les change comme il veut. يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَا. Donc ça veut dire que tu mets ta confiance en Allah et tu sais que si quelque chose a été prédestiné pour toi, ça va t'arriver, même si tu essaies de t'en échapper. Et s'il décide de te mettre à la porte pour une autre raison, autre que celle de la religion, il va le faire. Alors, tout a été prédestiné. Mets ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et obéis à Allah. Et ne laisse pas une créature ou un être humain te faire négliger ou mettre de côté tes obligations vis-à-vis ton créateur. Et ça, c'est une fitna ici dans ce pays. Parce que beaucoup de musulmans sont venus ici. Et parfois, avec de grands espoirs et de grandes espérances d'avoir beaucoup de choses de mieux dans leur dunya. Et ils arrivent ici et puis ils se laissent rabaisser devant les kuffars. Et ils font plein de compromis pour leur religion. En pensant qu'en faisant tous ces compromis-là et en laissant tomber plein de cet aspect de leur religion, ils vont être capables d'avancer plus haut dans cette société et d'avoir plus de bien dans la dunya. Et ils ont oublié que c'est pas ça le but pour lequel on a été créé. On a été créé pour l'ibada. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. On a créé les djinns et les hommes uniquement pour qu'ils nous adorent. Donc c'est ça le premier but de notre création, pour qu'on adore Allah. وَمَا خَلَقْتُ, parce que Allah il dit إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ça veut dire pour qu'ils m'adorent. Donc ça veut dire que il faut garder ça en conscience et garder ça en tête et ne pas se laisser impressionner ou influencer et commencer à faire des compromis pour notre religion. Et moi j'ai vu cette attitude-là chez beaucoup parmi les musulmans qui sont venus ici. Tu vois par exemple une femme musulmane, quand elle va se présenter chez les koufars pour montrer qu'elle veut faire un emploi ou un travail, on dirait qu'elle insiste et elle montre qu'elle a, elle est fière de dire qu'elle ne porte pas le hijab devant eux. et de montrer que elle n'est pas comme les autres femmes musulmanes qui obéissent et qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, parce que elle veut montrer que elle est comme les non-musulmans et que si ils l'engagent, elle va être fière de montrer qu'elle respecte pas les règles de l'islam devant les koufars, parce que elle essaie de leur faire plaisir. Et c'est ce que les koufars veulent entendre. Et c'est ce que les koufars espèrent de nous. Pour eux, un bon musulman, c'est un musulman qui ne respecte pas sa religion. Pour un kafir, un bon musulman, c'est un musulman qui ne respecte pas les règles de sa religion. Ça, c'est un bon gars. C'est ça qu'ils vont vous dire, les koufars. Toi, ils ne respectent pas du tout. C'est de l'hypocrisie. Même si tu renies ta religion devant eux, ils te montrent qu'ils sont contents de toi. Mais au fond d'eux-mêmes, ils se foutent de toi. Et ils n'ont rien avec toi. Et même s'ils te montrent qu'ils t'aiment, ils ne t'aiment pas. Exactement. Pourquoi chercher à avoir l'amour et l'agrément de ces gens-là, alors que, pourquoi faire des compromis, alors qu'ont la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit rester, on doit garder toujours en tête, et toujours avoir la conscience de ça. Que notre but dans notre vie, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et de se rapprocher de lui, et d'essayer d'éviter tout ce qui nous a interdit. Et c'est ça qui nous amène la paix et le succès dans cette dunya et dans l'akhira. Hein? Donc, alhamdulillah. Donc, si par exemple, quelque chose de mal t'arrive dans ce chemin, hein, tu travailles, tu fais ton effort pour avoir ton risque, et puis, Allah a prédestiné que tes affaires fonctionnent pas bien. Par exemple, tu as un malheur ou une faillite, ou quelque chose de ce genre, perds pas le courage, perds pas l'espoir. Continue à faire des efforts, travaille, et puis tu vas voir que peut-être que par la suite Allah subhanahu wa ta'ala va te remplacer ton malheur par quelque chose de bien. Et ne dis pas, si j'avais fait ça, eh bien ça ne serait pas arrivé. Ne dis pas ça. Pourquoi? Parce que ça c'est pas la parole d'un mu'min. Le mu'min il doit être satisfait de ce qu'Allah lui a prédestiné. Et il doit être content, heureux de ces choses-là et rester patient et endurant lorsqu'il y a une musiba, un malheur. Et remercier Allah quand quelque chose va bien. Hein? Il ne dit pas, ah ça vient de moi-même. Hein? Ça vient de moi-même. Je suis intelligent, je suis fort, je suis jeune, donc c'est normal. J'ai des bons résultats. Non. Hein, j'ai fait beaucoup d'efforts. Non, c'est pas juste ça. C'est tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça. Et quand quelque chose va mal aussi, tu regardes tes fautes en toi-même et tu te remets en question et tu te poses des questions pour voir qu'est-ce qui va mal, qu'est-ce que tu fais comme péché, qu'est-ce que tu fais de pas correct. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala va lui mettre une bonne fin, une bonne sortie. Il va l'aider à se sortir de ses malheurs, de ses misères, de ses difficultés. Celui qui met sa crainte en Allah, qui craint Allah. Et craindre Allah, qu'est-ce que ça signifie? At-taqwa, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tu prends tous les moyens que tu peux pour te protéger du châtiment d'Allah. C'est-à-dire, tu fais toutes tes bonnes œuvres que Allah t'a ordonné de faire, et tu t'éloignes de tout ce qu'Allah t'a interdit parmi les péchés. Et en faisant ça, c'est comme si tu te mets une protection entre toi et le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça que ça veut dire at-taqwa. Hein? Donc celui qui fait ça, qui a le taqwa, hein, yaj'al lahu makhraja, il lui donne une sortie facile. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Et il va lui donner le risque de où il s'en attendait même pas. Tu t'en attendais même pas. Tu pensais que c'est fini. Tu vas pas avoir de moyens de réparer ou d'arranger quelque chose. Et juste à ce moment-là, tu demandes à Allah de t'aider, de te guider. Et Allah te fait voir tout de suite la sortie. Et combien de frères, je suis certain, qui sont capables de donner des exemples, des choses comme ça qui leur sont arrivées dans leur vie, et si on leur demandait, on pourrait en avoir des dizaines et des dizaines. ومن يتوكل على الله فهو حسبه celui qui met sa confiance en Allah, Allah lui suffit. إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Donc avec ça, on vient de terminer le livre et les six piliers de la foi aujourd'hui. Donc ça c'est la fin de ce chapitre. Maintenant, on va commencer dans la conclusion. Le cheikh a mis deux chapitres. Un chapitre sur Al-Wala wa Al-Bara et un autre chapitre sur Al-Tahzir min Al-Bida'a.